Caro. Salut, je m'appelle Caro. J'ai demandé son numéro. Elle me dit, fais le coco. J'analysais son tatou. Qu'est-ce que tu fais là dessous? Ses pantalons sont serrés. Elle est allée de se faire niaiser. Talons sont toujours serrés. Toujours tannés de se faire niaiser. J'ai laissé un bon pour moi. Moi, je voulais juste boire.